Chapitre 14 Du fauteuil hanté. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le fauteuil hanté, par Gaston Leroux. Chapitre 14 Un grand cri déchirant humain. Ils ne trouvèrent point de voiture à la gare et il leur fallut prendre le chemin de Chennevières à la nuit tombante. Sur le pont de Chennevières, avant de descendre sur la rive de la Marne, chemin qui conduisait, par le plus court, à la demeure isolée de M. Loustalot, M. Lalouette arrêta son compagnon. « Enfin, mon cher monsieur Patard, demanda-t-il sourdement, vous ne croyez point, vous, qu'ils vont m'assassiner ?»« Qu'ils ? » s'exclama M. le secrétaire perpétuel, qui paraissait fort énervé. « Mais est-ce que je sais, moi, ceux qui ont assassiné les autres ?»« Qu'est-ce qui vous dit que les autres ont été assassinés, d'abord » fit-il, sur un ton, cette fois, de chien hargneux. « Mais vous ?»« Moi, je n'ai rien dit, entendez-vous, parce que je ne sais rien. » C'est que je vais vous avouer une chose, monsieur le secrétaire perpétuel. Je veux bien, moi, être de l'Académie. Vous en êtes ? C'est vrai, soupira monsieur Lalouette. Ils descendirent sur la berge. Monsieur Lalouette était poursuivi par une idée fixe. Mais je voudrais tout de même bien ne pas être assassiné, fit-il. Monsieur Hippolyte Patard haussa les épaules. Cet homme qui ne savait pas lire, mais qui savait parfaitement qu'en se présentant à l'Académie, il n'avait rien à craindre de tout ce que tous les autres qui ne se présentaient pas redoutaient. Cet homme, qu'il avait pris pour un héros et qui n'avait été qu'un malin, commençait à lui être moins sympathique. Il résolut de le rappeler assez rudement au respect de lui-même. « Mon cher monsieur, il y a des situations dans la vie qui valent bien que l'on risque quelque chose. »« Et allez donc, ça c'est envoyé, » pensa M. Hippolyte Patard. C'est qu'en vérité, il trouvait les plaintes de ce monsieur Lalouette tout à fait nauséabondes. La situation avait beau apparaître difficile, mystérieuse et, à tout prendre, menaçante, M. Hippolyte Patard pensa qu'elle était encore bien belle pour M. Lalouette, qu'elle faisait académicien. M. Lalouette avait baissé le nez. Quand il le releva, ce fut pour laisser tomber dans la fraîcheur du soir cette phrase qui était, en toute sincérité, immonde. « Est-ce bien nécessaire, dit-il, que je le prononce, ce discours ?» Ils étaient alors sur le bord de la Marne. Les voiles de la nuit enveloppaient déjà les deux voyageurs. Monsieur le secrétaire perpétuel regarda l'eau sournoise et profonde et la silhouette affalée de Monsieur Lalouette. Il eut envie de le noyer tout simplement. Pan ! Un coup d'épaule ! Seulement, au lieu de précipiter cette chair flasque au sein des eaux, Monsieur le secrétaire perpétuel alla prendre amicalement le bras de Monsieur le récipiendaire. Et cela parce que d'abord M. Hippolyte Patard était le moins criminel des hommes, et qu'ensuite il venait de penser soudainement à ce que coûterait à l'illustre compagnie une quatrième mort. Il en frémit. Ah ! À quoi pensait-il donc ? À inquiéter cet excellent M. Lalouette ? Il se traita de fou. Il pressa le bras de M. Lalouette. Il jura à cet honnête homme du fond du cœur une reconnaissance éternelle. Il essaya de réchauffer chez lui une ardeur académicienne qu'il se reprochait assurément d'avoir laissé s'éteindre. Il lui décrivit son triomphe du lendemain, il lui montra la foule enivrée et ravie. Enfin, il fit fondre, comme on dit, le cœur de M. Lalouette en lui représentant, aux premières loges, Mme Lalouette vers qui allaient tous les hommages, comme à l'épouse glorieuse et rayonnante de l'homme du jour. Finalement, ils s'embrassèrent en se congratulant, en se réconfortant, en se traitant d'enfants qui s'étaient laissés assombrir par des idées noires. Et ils riaient tout haut, comme des braves, quand ils constatèrent qu'ils étaient arrivés à la griffe du grand Loustalot. « Attention aux chiens !» fit M. Lalouette. Mais les chiens ne se faisaient pas entendre. Chose curieuse, la griffe était ouverte. M. Hippolyte Patard n'en sonna pas moins pour avertir de la présence d'étrangers. « Où sont donc Ajax et Achille » dit-il. « Et Toby ? Il ne vient pas ?» De fait, personne ne se dérangeait. « Entrons, » fit Monsieur le secrétaire perpétuel. « J'ai peur des chiens !» recommença Monsieur Lalouette. « Et je vous dis que je les connais depuis longtemps !» répéta Monsieur Patard. « Ils ne nous feront aucun mal. »« Alors marchez devant !» commanda bravement Monsieur Lalouette. Ainsi, il parvint jusqu'au perron. Le plus profond silence régnait dans le jardin, dans la cour et dans la maison. La porte de la maison était également entrouverte. Ils la poussèrent. Un bec de gaz à demi ouvert éclairait le vestibule. « Il y a quelqu'un ? » s'écria M. Patard, de sa voix de tête. Mais aucune voix ne lui répondit. Ils attendirent encore dans un extraordinaire silence. Toutes les portes qui donnaient sur le vestibule étaient fermées. Et, tout à coup, comme M. Patard et M. Lalouette restaient là, fort embarrassés, le chapeau à la main, les murs de la maison résonnèrent d'une clameur affreuse. La nuit retentit désespérément d'un grand cri déchirant humain. Fin du chapitre.